Quel beau tableau et quelle femme. Ouais. Tu sentais bon la révolution avec ton joli uniforme hygiène. Les hommes te clarifiaient sans question. Ta grâce en faisait souffrir plus d'un. Quand tu brandissais ton étendard, tes seins s'affichaient sur ton corsage. Toute l'avant-garde suivait ton regard, armé de fléaux, armé de rage. Et Marianne, ta bannière s'est usée, entraînant sur les champs de bataille. L'étendard sanglant est retombé sur les soldats de plomb ou de paille. La main droite sur la rampe du drapeau, l'autre tenant l'arme par le canon. Nombreux se sont fait trouver la peau, en croyant Dieu comme père à leurs actions. Et Marianne, ta bannière s'est usée, traînant sur les champs de bataille. L'étendard sanglant est retombé sur les soldats de plomb ou de paille. Ta grandiloquence est atténuée, mais les silences me désespèrent. Ça ne sert à rien de continuer sur des voies tracées par nos pères. Tu es sans espoir de guérison, impossible de soigner tes blessures. Il n'y a que dans les garnisons que l'on trouve tes vestiges d'âme pure. Et Marianne, ta bannière s'est usée, entraînant sur les champs de bataille. L'étendard sanglant est retombé sur les soldats de plomb ou de paille. Et Marianne, ta bannière s'est usée, entraînant sur les champs de bataille. L'étendard sanglant est retombé sur les soldats de plomb ou de paille. Sur les soldats de plomb ou de paille. Sur les soldats de plomb ou de paille. La liberté guidant le peuple.